Monsieur le baron Henri Montes de Montejanos, doué par le climat équatorial, du physique et de la couleur que nous prêtons tous à l'Othello du théâtre, effrayé par un air sombre et fait purement plastique, car son caractère, plein de douceur et de tendresse, le prédestinait à l'exploitation que les faibles femmes pratiquent sur les hommes forts. Le dédain qu'exprimait sa figure, la puissance musculaire dont témoignait sa taille bien prise, toutes ses forces, ne se déployaient qu'envers les hommes, flatterie adressée aux femmes, et qu'elles savourent avec tant d'ivresse que les gens qui donnent le bras à leur maîtresse ont tous des airs de matamore tout à fait réjouissants. Superbement dessiné par un habit bleu à boutons en or massif, par un pantalon noir, chaussé de bottes fines d'un vernis irréprochable, ganté selon l'ordonnance, le baron n'avait de brésilien qu'un gros diamant d'environ 100 000 francs qui brillait comme une étoile sur une somptueuse cravate de soie bleue, encadrée par un gilet blanc entrouvert de manière à laisser voir une chemise de toile d'une finesse fabuleuse. Le front, busqué comme celui d'un satyre, signe d'entêtement dans la passion, était surmonté d'une chevelure de jais, touffue comme une forêt vierge, sous laquelle scintillaient deux yeux clairs, fauves, à faire croire que la mère du baron avait eu peur, étant grosse de lui, de quelque jaguar. Ce magnifique exemplaire de la race portugaise au Brésil se campa le dos à la cheminée dans une pose qui décelait des habitudes parisiennes. Et, le chapeau d'une main, le bras appuyé sur le velours de la tablette, il se pencha vers Madame Marneffe pour causer à voix basse avec elle, en se souciant fort peu des affreux bourgeois qui, dans son idée, encombraient mal à propos le salon.